Et comme des fous sur la ligne de trace, avancez là sur la ligne de trace. Deux soirées à la fois brutes et sensuelles par Fred Griot et ses musiciens. Une occasion privilégiée de découvrir un des meilleurs poètes performeurs de la francophonie. Far Away de Carol Churchill sera porté à la scène par Edith Patnaud dès le 21 février. Le monde entier est en guerre, on ne sait plus qui est ennemi ou allié, ni comment différencier le juste de l'injuste. Avec Lise Castonguay, Ludger Beaulieu et Noémie O'Farrell, au pavillon Pierre Lassonde du Musée national des beaux-arts du Québec. Une production du Théâtre Blanc et du Théâtre L'Escaouette. Un univers fascinant, fantasmagorique et terriblement proche de nous. Une fable d'anticipation d'une grande intelligence, menée avec un sens aiguisé du suspense. Du 21 février au 4 mars. Découvrez l'exposition centrale de Manif d'art 8, la Biennale de Québec, présentée au pavillon Pierre Lassonde du Musée national des beaux-arts du Québec. Des artistes d'ici et d'ailleurs vous en mettront plein la vue. Cet hiver, célébrez l'art de la joie au M&BAC. Androgyne, Andrea, féminine est ton roi. J'imagine que tu as plus de peine. Ce soir, à l'Aérospatiale, Magnifica, la nouvelle exposition de José Landry-Sirois et Paryse Martin à la Maison Amel Bruneau, les commissaires Michel Drapeau et Sylvia Pellissier viennent discuter de leur exposition Monstrum in Fronte en cours à la salle exposition du pavillon Alphonse Desjardins et le roman L'art de la joie de Goliarda Sapienza présenté par Andréane Lesage. Bonsoir, chers auditeurs et chères auditrices. Bienvenue à l'Aérospatiale, votre magazine radio en arts visuels à Québec. Audrey Caro en compagnie de Jean-Tiane Lafrance pour cette édition du 14 février. Bonsoir, Jean-Tiane. Bonsoir, Audrey. Bonne Saint-Valentin. Bonne Saint-Valentin à toi aussi. Eh bien, comme à chaque semaine, on vous partage, bien sûr, notre amour de l'art par cette émission, bien sûr. Oui. En tout cas, on l'espère. Et aujourd'hui, on vous propose une émission qui est presque toute en duo, du moins on reçoit des duos pour souligner cette fête. En première partie d'émission, on va recevoir dans quelques minutes José Landry-Sirois et Paryse Martin qui nous proposent l'exposition Magnifica qui va ouvrir cette semaine à la maison Amel Bruneau en marge de Manif d'Art 8. On va les questionner sur cette exposition, bien sûr, mais aussi sur la relation artistique qui les unit, bien sûr. On a bien hâte d'en savoir plus. Certainement. Et en deuxième demi-heure, je vais m'entretenir avec les deux commissaires de l'exposition collective Monstrum in Fronte, Michel Drapeau et Sylvia Pellissier. Une exposition qui est actuellement présentée à la salle d'exposition du pavillon Alphonse Desjardins à l'Université Laval. Et on va terminer l'émission avec l'agenda bien corsé de la semaine, notamment avec les activités, évidemment, d'ouverture du mois multi... de Manif d'Art 8 et les installations du mois multi qui ouvrent également cette semaine. Et Audrey, c'est toi qui nous proposes une sélection musicale cette semaine. Oui, Simon Roy prenait une petite pause aujourd'hui et je me suis amusée à faire une sélection musicale tout à propos en cette journée de l'amour. Alors, on va justement aller tout de suite écouter un premier extrait du duo français Éléphant, I Think I Love You. I hate you in the late strawberry because you're happy. I hate you when you play video games because you're floppy. Oh, that you first scratch my hand and get my beefsteak. I want you to play violin more than Bob Dylan. Alors, de retour sur les ondes de CKRL, je suis en compagnie de José Landry-Sirois et Paris Martin. Bonsoir, mesdames. Bonsoir. Bonsoir, chère dame. Bonne Saint-Valentin à vous. Merci. Alors, on est ici pour parler, bien sûr, de cette exposition qui va se... À vrai dire, dont il y a un vernissage de deux, à vrai dire, Magnifica, que vous présentez à la Maison Amel Bruno. Donc, demain, il y en a un, je pense. C'est bien ça, hein? Il y a... deux vernissages de deux. Deux de deux. Oui. C'est bon. Oui. Parfait. Alors, on voulait vous entretenir avec vous deux, justement, pour un peu mettre la table à ce qui s'en vient. Et puis, il faut rappeler aux auditeurs, on vous a reçu assez souvent à l'émission, mais de façon séparée, mais vous êtes des artistes qui avaient, bien sûr, une relation amicale, mais aussi une relation artistique. Je pense, vous êtes deux passionnés du dessin, mais vous travaillez quand même, vous vous donnez des petits... vous êtes critique l'un envers l'autre, vous vous aidez aussi, je pense, dans votre travail, vous supportez et tout. J'étais curieuse d'en apprendre plus sur la relation qui vous unit, mesdames. Je pense que si on était au 18e siècle, je dirais qu'on a établi une correspondance. Une correspondance. C'est plutôt de cet ordre-là. D'accord. Oui, oui. Ouais. Correspondance en dessin? Ou aussi, en au-delà? Général, oui. Oui. Parce que moi, je fais beaucoup de sculpture. Oui, c'est sûr. Tandis que Josée, c'est plus en dessin. Je vais la laisser quand même. Mais je pense que notre relation est plus dans un rapport de correspondance dans l'ensemble mm-hmm. de nos concepts, nos techniques. De votre œuvre, en oui, général. C'est ça. Mm-hmm. Oui. Oui. Josée? Ben, je dirais, j'ajouterais qu'on s'accompagne dans la même communauté. Mmh. Ouais, voilà. Eh bien, crime. Voilà. Parce que c'est bon. Vrai que ça existe chez les artistes. On travaille pas toute seule. C'est une impossibilité. Mmh. C'est la Saint-Valentin, faut le dire. Oui. On est dans une communauté qui doit s'aimer, s'entraider, se soutenir, puis aussi se nourrir. Oui. Donc, Josée fait bien à manger. Ah, fait bien à manger, OK. Oui. C'est souvent autour de... Mais moi, je suis pas une très bonne femme d'intérieur. C'est bon, parce qu'il faut dire que quand même, malgré la différence de vos œuvres, il y a quand même des liens qui peuvent se tisser entre vos pratiques artistiques. Bon, oui, on parlait de dessin, on parle de sculpture, mais aussi, on parle, si je regarde dans la sensibilité de vos œuvres, dans les couleurs aussi que vous utilisez, dans la symbolique aussi. Je pense qu'il y a beaucoup de liens qui se tissent entre dans vos pratiques et dans votre travail en général. Je vais? OK. Oui, je pense qu'il y a beaucoup de liens. Les influences sont... Les sources sont différentes. Mm-hmm. Et notre vitesse de travail n'est pas du tout la même. Donc, c'est de là aussi que je pense qu'on partage un rapport de correspondance intime, mm-hmm. de partage, j'oserais dire, et où on se donne et où on reçoit à différentes vitesses les choses. Et... On les traduit de façon différente. Oui, c'est... faut dire que dans ce rapport-là, moi, je fais confiance à une dimension un peu mystique. Dans mm-hmm. le sens que on vit dans la même époque. Moi, je suis quand même plus âgée que José. On a deux expériences différentes. Mais en bout de ligne, on dirait qu'en soi, il y a quelque chose qui émerge puis qui fait des liens, un peu comme une toile d'araignée. Mm-hmm. Oui. Ça se construit sans vraiment que ce soit évident. Puis une journée, la lumière, on ouvre la lumière, pouf, on voit la toile qui est assemblée comme ça. On sait pas exactement qui l'a faite, comment c'est arrivé, puis mm-hmm. mais ça s'est fait avec les doigts de fée ou peut-être notre petite araignée qui s'appelle Danielle Lessard cette oui. fois-ci qui a fait le montage de notre expo avec une justesse, une intuition oui, aussi oui, comme la nôtre. Donc moi j'avais pas d'inquiétude. Je savais que ça se passerait, mais je savais pas comment. Mm-hmm. Et Daniel était un peu dans le même esprit, puis José aussi. On a comme quelque chose de mystérieux qui nous entoure, qu'on a fini par accepter avec le temps, mm-hmm. les mais artistes. J'ajouterais aussi que, en fait, on a parlé tantôt, on a mentionné s'accompagner. Mm-hmm. Je pense qu'il y a l'idée de vraiment d'une quête où les deux, moi et Paris, on s'associe à des gens qui nous accompagne, que l'on accompagne. Et ben je pense que cette exposition-là est vraiment un résultat où, par exemple, Danielle Lessard nous a accompagnés, où elle fait partie intégrante de l'expo. On lui a vraiment glissé ça entre les mains. Bon, Danielle est designer, mais elle est aussi une artiste. Puis, en fait, on lui a donné notre confiance, puis elle s'est appropriée aussi notre travail comme une artiste. Ensuite, faut dire aussi qu'on a travaillé avec Jeanne Couture, une historienne qui a complètement saisi, qui nous a offert des textes qui sont à la fois des œuvres. Mm-hmm. Donc, aussi, moi, j'ajouterais le travail de François Simard, mon encadreur, qui est un oui. artiste, qui a aussi. Un regard tellement juste, qui m'aide à mettre à terme mon travail et qui... Oui, qui en fait les encadrements sont des œuvres en soi sont tout ça. Aussi importants que oui. l'œuvre en soi. Donc oui, puis François étant peintre aussi et sensible à tout ça, étant artiste, finalement vous êtes une gang d'artistes aussi qui s'entraident par vos différentes passions aussi et comment dire travail autre qu'être artiste, mais tout ça se joue ensemble, puis il faut faire une proposition qui comment dire dont émane aussi cette sensibilité ou ces rapports et symboliques. Ouais, c'est encore une preuve que finalement l'art, c'est pas nécessairement une grande affaire mystérieuse, mais c'est vraiment la vie, mm-hmm. c'est notre vie. Puis comme on s'entrecroise dans la vie, nos productions s'entrecroisent aussi. Mm-hmm. Puis c'est le résultat de ça. Puis je pense qu'il y a beaucoup de gens qui inévitablement vont être interpellés parce qu'ils ont existé dans notre univers sensible. Exact. Et puis, tout à l'heure, avant d'entrer en ondes, on parlait ensemble. Finalement, ce n'est pas une exposition en duo, mais plutôt vos pratiques qui sont présentées dans ce lieu, la maison Amel Bruneau. Vous ne l'avez pas fait comme des œuvres nécessairement qui allaient se répondre les unes entre les autres, mais vous avez disposé ça, je pense que vous disiez, chacune de votre côté aussi, mmh. mais en même temps, il y a des connexions, il y a des liens. Comment vous avez abordé ça, cette expo? Déjà, tu sais, les premières discussions, quand on a eu la confirmation qu'on faisait part de la manif d'art 8 et qu'on était invité à la maison Amel Bruneau, mmh. C'est bon, en référence avec l'art de la joie, le roman. Donc, c'est certain qu'il y avait ce lien avec cette femme dans ce livre. Et mmh. bon, on avait envie aussi de travailler avec la maison Amel Bruneau au sens figuré où c'est une maison où les pièces il y a un rapport domestique à cet espace là. Donc ça c'est certain que vous allez pouvoir voir une mise en espace qui on a l'impression de rentrer chez des gens. Donc, tout... dans l'intimité. Exactement. Les pièces, que ce soit des tableaux accrochés au mur, que ce soit des sculptures, on parle ici de protagonistes. Donc, on entre vraiment dans une maison, on entre dans une histoire. Ce que je pourrais juste avancer, c'est que si, par exemple, moi, je présente des pièces qui sont un peu comme de l'outillage pour traverser de l'autre côté, ben en fait, je vous apporte, je suis... Je vous présente des outils pour traverser dans le monde qui est très mystique aussi de Paris. Donc, Oui, c'est comme le fait et l'esprit. Oui. Chez José, on est plus dans une dimension factuelle où est-ce qu'on sent quelqu'un qui habite le lieu. Mm-hmm. Et de l'autre côté, on rentre vraiment de l'autre côté du miroir, et c'est le cas de le dire, c'est ça. Dans une dimension beaucoup plus mystérieuse, mais en même temps, bon, me connaissant, vous savez que tout est dans tout. C'est-à-dire qu'il y a une chose et son contraire, le côté un peu horreur et humour simultanément. Oui. Il y a vraiment l'enfance et la très grande vieillesse. Bon, il y a vraiment tout ça en même temps. Fait qu'il y a, il y a ces deux univers-là qui sont très, très nécessaires, si je peux dire. Oui. Mais qui s'articulent de façon extrêmement différente et qui, bon... On rentre dans la maison et c'est toujours une maison et c'est ça qui est extraordinaire, la sorcière. C'est le fun là. Même pour nous autres, c'est le fun. Ben oui, sûrement. Il y a beaucoup de rites. Je dirais qu'on a l'impression d'être en présence de fantômes. Donc, de fantômes. Oui. Moi, je pense qu'il y a des fantômes. C'est pas pire, parce que là, on parle de mystique aussi. Vous parlez, on sort de l'autre côté du miroir. Moi, je voulais vous questionner avant d'aller à la pause audio. Le titre m'a accroché. Magnificat. On prononce le T. OK. Donc, moi, je me demandais, est-ce que ça a un rapport avec la définition réelle de ce mot ou comment il est venu? Parce qu'il faut dire que Magnificat, à la base, est un cantique de la Vierge Marie chantée aux vêpres. Enfin, ça n'a peut-être aucunement rapport, mais je voulais vous questionner là-dessus, d'où est parti ce titre. Vas-y, je parlerai après toi. Vas-y. Ben, je sais pas trop comment le dire, mais... Tu sais, si on parle de vierge tout de même, il faut regarder en dessous des jupes. Mm-hmm. Donc, je sais pas. C'est un mystère. Mais reste que, bon, moi, la musique sacrée, c'est vraiment une de mes grandes passions. D'accord. Ça on en découvrira. Ça nous emporte. C'est ça. On en découvrira plus. Moi, j'irais plutôt avec Magnificat dans le sens rituel, mantra. Répétition de petits gestes. On dit l'art de la joie. Moi, je dirais que je vous présente un peu l'art de ma foi. Je dirais que c'est comme déchiffrer, dénombrer, dessiner, communier, la foi, la joie, mais la vie autant que l'art. C'est vraiment que j'y étais et j'y suis. D'accord. Bien, je vous propose une petite pause musicale, le temps de recenser toutes ces idées-là et de poursuivre par la suite. On s'en va écouter Rednecks Neville, Faible pour toi. La télé ensemble, mais tu voulais me voir prendre mic, limelight. Ça paraît que t'as fait tes études en danse, mais tu danses dans town tonight. Chut. Ils vont peut-être nous entendre, se pratiquer à produire les enfants en temps de table. Tu sais que j'ai un penchant pour les femmes avec des danses grenades, des sirop d'érable. T'es amis, malgré l'appétit. Pourtant, on sait qu'on s'apprécie. Mais y'a un petit quelque chose qui m'a fini. On sait des petits amis, malgré l'appétit. Pourtant, on sait qu'on s'apprécie. Mais quelque chose m'a fini. Je suis pas faible. Ah, the way. It's all about you, sauf quand je suis sur mes quatre roues, yeah. It's all about you, girl, sauf si le Canadien joue. Là, tu me déranges pas, mais it's all about you. Moi pis toi, je suis à Péranda. Ça guette très romantique, toi tu te mets en robe. Moi, je me mets en torse, je suis bien authentique. Dans le script, pis super en forme. Tu n'auras pas de tip, pis je te paye en pot. C'est des petits amis, malgré l'appétit. Pourtant, on sait qu'on s'apprécie. Mais y'a un petit quelque chose qui m'a fini. On sait appétit, ami. Malgré l'appétit, pourtant on sait qu'on s'apprécie. Mais quelque chose m'affaiblit. Je ne suis pas faible, je ne suis pas faible, mais je suis un faible pour toi. Je ne suis pas faible, je ne suis pas faible, mais je suis un faible pour toi. On pourrait voyager en Europe ensemble, se ramasser en France peut-être. On pourrait s'évader au Brésil ensemble, puis profiter de l'ambiance de fête. Danser dans le ventre, la bête. Emménager au centre de terre. Se taponner sur le bord de la mer. Sur le Tibet of tonight. Pourtant on sait qu'on s'apprécie, mais y'a un petit quelque chose qui m'affaiblit. On s'était dit amis, malgré l'appétit. Pourtant on sait qu'on s'apprécie, mais quelque chose m'affaiblit. Alors, on est de retour en compagnie de José Landry-Sirois et Paris Martin. Mesdames, on parle de votre exposition La Maison Amel Bruno qui va débuter cette semaine. Et donc, qui est à l'occasion de Manif d'Art 8, dont le thème est l'art de la joie, donc inspiré de ce livre dont on va parler tout à l'heure avec Andréane Le Sage. Je voulais savoir comment vous avez abordé le thème de cette année, donc dans l'exposition que vous présentez. J'y vais. Assez curieusement, ce roman-là que j'ai lu il y a quand même quelques années, là, c'est comme un roman qui parle de revirement, mm-hmm. de choses à la fois très difficiles, mais de reconstruction constante. Alors, mon travail est fait de ça, mm-hmm. de ces petits moments-là, de passer du dramatique à la joie, mm-hmm. à l'humour, à toutes sortes d'éléments que tu vois. Tu penses que tu vois quelque chose et soudainement, il y a d'autres choses qui se révèlent. Mm-hmm. Je pense que ça, c'est une volonté d'arriver à se reconstruire dans un rapport à la paix, à l'harmonie. Comme disait José, c'est la quête, c'est ça aussi, de faire de l'art, c'est d'essayer de comprendre notre humanité et mm-hmm. De faire le mieux possible avec ça. Puis moi, je vois l'art de la joie dans ce rapport-là, bien entendu, du travail quotidien, de cette espèce de recherche du mieux-être, du bien-être, du partage, en bout de ligne de l'autre, là, d'aimer mm-hmm. l'autre, oui. dans son sens large. Oui. Mm. Et José? Je le vois aussi, j'ajoute en fait, parce que je suis totalement d'accord avec ce que Paris vient de mentionner, mais comme un investissement, c'est ça, comme un engagement, comme un engagement dans la vie. Tu sais, tantôt, j'ai dit l'art de la foi, mais c'est ça comme les petits gestes. Ben, en fait, c'est aussi ça mon travail. Puis c'est aussi ce que je vais vous présenter parce que c'est la première fois que je présente des trucs aussi secrets. C'est comme si je me permettais de vous présenter le laboratoire de mon intime, mais qui est très équivoque, là. Et beaucoup d'amulettes, donc beaucoup de gris-gris, beaucoup de pièces... qui sont des gages de foi pour contrer toutes les nuances d'émotions, de peur, pour contrer toutes nos turbulences, pour se rassurer. C'est aussi une façon que je vois mon travail et la vie, là. Mm-hmm. Donc, oui. Et puis, par rapport aux œuvres, sans trop en révéler, mais juste savoir qu'est-ce qui nous attend comme spectateurs. Est-ce que vous avez des œuvres plus anciennes, mais il y a des œuvres plus récentes ou des nouvelles œuvres, peut-être? Oui, on a mélangé les deux. Oui. Puis c'est sûr et certain qu'il va y avoir des œuvres que vous allez reconnaître, mais dans le contexte, mm-hmm. ils sont un peu différentes. Moi, de mon côté, j'ai fait une installation avec, peut-être deux œuvres qui ont déjà été placées. Oui. Mais là, sont très différentes dans associées aux autres. Fait que c'est comme une phrase avec un mot qu'on a déjà entendu. Mais mm-hmm. la phrase est nouvelle. D'accord. La poésie est nouvelle dans ce sens-là. Oui. Donc, il y a des œuvres vraiment, vraiment, vraiment comme fraîches et encore chaudes. Puis, il y en a d'autres qui ont l'habitude d'être présentées dans mm-hmm. le public. Oui. Donc, le mélange des deux peut être... c'est quand même intéressant de voir oui, notre poésie de même, nos phrases. Oui, de revisiter son travail pour le oui, représenter. Le contexte est tellement différent. Ben c'est ça. Dans le sens de la maison, là, c'est, mm-hmm. c'est d'abord une œuvre d'architecture, oui. puis nous, on s'intègre à l'intérieur, puis on fait avec. C'est vraiment, vraiment différent. Oui. De mon côté, effectivement, il y a des pièces, en fait, c'est des sélections de pièces choisies. Donc, par exemple, je pense à une pièce où c'est une collection de Polaroid que j'avais fait lors d'une résidence en 2003 à Rimouski. Et en fait, cette série de photos qui sont... c'est des visiteurs. La pièce s'appelle Les Gisants. Donc, c'est des corps étendus sous les couvertures. Et on se demande... est-ce qu'ils sont vivants? Est-ce qu'ils sont morts? Est-ce que ce sont... qu'est-ce que c'est? Mm-hmm. Quelle a été la relation avec moi? Puis, je l'ai associé avec un nouveau dessin où on voit une collection de papillons qui sont dessinés, mais j'ai dessiné aussi comme une épingle et cette pièce s'appelle un recensement. Donc, est-ce qu'il s'agirait d'une collection de morts, de Quelle a été la relation avec dans la vie avec ces défunts mm-hmm. êtres? Oui. Donc, finalement, une exposition qui va être à voir inévitablement, une exposition que je pense que vous êtes très fiers aussi de présenter. En tout cas, on le sent dans que ça vous anime, que vous avez travaillé fort, mais que le résultat aussi vous satisfait particulièrement aussi. Là. L'atmosphère, oui. Même nous autres, on est... Tu places tes œuvres, tu penses à quelque chose, mais t'es jamais sûr. Mais l'atmosphère que ça donne, c'est assez... Même nous autres, on était surpris. Mm-hmm. C'est comme un cadeau de travailler avec Daniel Lessard. Puis vraiment, là, c'est très surprenant. C'est une expérience. Exact. C'était là-dessus que je voulais terminer en disant que c'est une belle expérience qui va nous transporter. Je pense que oui, il faut se prendre un peu de temps justement pour aller la voir, mais qui va nous faire du bien. J'ai vraiment le sentiment. En tout cas, avec les quelques images que vous m'avez envoyées, honnêtement, c'est fort. Puis je pense que les gens vont être transportés en entrant dans la maison Amel Bruno, puis vont s'en ressentir en sortant. Je pense. Donc, on dit Magnificat, qui est présenté à compter du 17 février jusqu'au 14 mai. On disait vernissage demain à 17h30 et un autre le 19 février à 11h. On peut vous rencontrer, j'imagine, mesdames, à l'occasion de ces vernissages et venir vous jaser un petit brin là-bas. Exactement. Donc, à la maison Amel Bruno, merci beaucoup, Paris Martin et merci. José Landry-Sirois. On a hâte de voir ce que vous allez nous proposer. Merci beaucoup. Merci. On s'en va en pause publicitaire et on revient pour la deuxième moitié de l'émission. 89.1. Particules sonores. Fragments du bruit. Au début, il y a eu le son. Gaétan Gosselin explore l'univers fascinant de l'art audio avec les artistes dont la matière première est le son. La Croche-Oreille, une présentation d'Avatar, le centre d'artistes en art audio et électronique. Les dimanches à 21h. Une idée originale de Jean-Pierre Gay. Posez un geste de soutien concret pour votre radio. Le Radiothon de CKRL aura lieu le 31 mars et le 1er et 2 avril prochain. Faites un don de 20$ et plus ou procurez-vous votre carte de membre de 25$ avant le 31 mars 17h. Et vous pourriez gagner le prix spécial pré-Radiothon et le prix membre. Notre objectif, 42 000$. Pour renouveler votre carte ou faire un don, passez-nous voir à CKRL au 405 3e Avenue entre 9h et 17h30 au 418-640-2575 poste 201 ou sur ckrl.qc.ca avec le service sécurisé PayPal. Votre soutien demeure essentiel. Merci d'écouter CKRL. Alors, de retour à l'aérospatiale, j'entends la France au micro et j'ai avec moi en studio Michel Drapeau et Sévia Pellissier. Alors, bonsoir Michel. Oui, bonsoir. Bonsoir Sévia. Bonsoir. Vous allez bien? Oui, très bien, merci. Donc, je vous ai invité à venir discuter en studio de l'exposition Monstrum Infronte que vous commissariez toutes les deux à la salle d'exposition du pavillon Alphonse Desjardins de l'Université Laval. Mais j'aurais le goût de vous demander d'où vous est venue cette idée-là de construire une exposition autour du monstre. Quelle était l'étincelle et comment vous en êtes venue à y travailler ensemble? Ben, je pense qu'au départ, on voulait absolument travailler ensemble sur un projet d'expo, puis on cherchait un peu les thématiques et on voulait quelque chose qui allait regrouper en même temps des œuvres de types différents, des matériaux différents et des sujets traités différents. Mm-hmm. Et c'est pour ça qu'on a trouvé que le monstre était assez présent et on voulait traiter des sujets actuels. Et c'est pour ça vraiment qu'on s'est intéressé à cette figure-là qui est changeante, mais qui existe depuis toujours dans l'histoire de l'art. Oui, donc on peut le voir dans l'exposition, le monstre apparaît de multiples manières, mais sous différentes figures, je dirais, mm-hmm. Des figures plus anciennes, des figures plus actuelles. Donc on va penser, on évoque le vampire dans certaines œuvres, on va passer aux zombies, également aux Pokémon. Donc est-ce que c'était une volonté pour vous de vraiment d'essayer d'aller couvrir, si on veut, cette espèce de ligne du temps de ces différentes figures du monstre? Oui, absolument. Il y a définitivement une approche diachronique du monstre, donc mm-hmm. qui est compris dans la longue durée. Donc, il y a des monstres qui vont ressurgir de mythes plus anciens, comme tu l'as mentionné, le vampire, par exemple, où on a des anges, des sorcières. Mais il y a aussi des monstres qui ne vont pas être incarnés. On a différentes... Ce qui est intéressant, c'est qu'on a lancé notre appel d'œuvre, puis on s'est dit qu'on allait laisser les propositions parler à notre place et qu'à partir des différentes propositions des artistes, qu'on allait ensuite rédiger le catalogue, parce qu'on a un catalogue d'exposition aussi qui va être inauguré ce jeudi. Puis, dans les différentes thématiques qui se sont dessinées à travers l'exposition, il y a aussi des monstres intérieurs, donc des monstres qui ne sont même pas de l'ordre de la représentation directe d'une figure monstrueuse quelconque, mais qui vont être plutôt invisibles. Oui, en fait, parce que le titre de l'exposition, c'est Monstrum Infronte, mais mm-hmm. c'est le début d'une citation, je crois. Oui. Exact. C'est une citation de Nietzsche, en fait, qui parlait de Socrate et qui disait Monstrum Infronte, Monstrum Inanimo. Grosso modo, monstre à l'extérieur, monstre à l'intérieur. Évidemment, c'était pas tellement cette thématique-là qu'on voulait aborder, que le concept qu'il y a une dichotomie entre un monstre qui est en apparence et un monstre qui est à l'intérieur. Et le titre est vraiment venu à la fin de notre travail, lorsqu'on a réalisé que le monstre existait non seulement physiquement, mais qu'il pouvait être désincarné également. Oui, donc on a dans l'exposition des par exemple des sculptures où on a des figures protéiformes un peu difformes, mm-hmm. Mais on a également il y a l'exemple du portrait de Donald Trump, donc on a ces monstres intérieurs, ces monstres extérieurs, mais aussi ces monstres dans la perception qu'on a d'eux autres, hein, mm-hmm. si on pense mm-hmm. à Donald Trump, une espèce de triptyque où on voit deux faces d'une même médaille selon la perception qu'on a du personnage. Donc, vous avez fait un appel de dossier, si j'ai bien compris. Oui. Votre sélection d'artistes, c'est une sélection où on rencontre des œuvres d'artistes qui ne sont pas établis. Donc, est-ce que c'était mm-hmm. vraiment un choix de faire valoir des œuvres des artistes de la relève? Est-ce que c'est un choix d'originalité, de rendre visibles des œuvres des artistes qui n'ont pas encore une carrière très, très établi? Y avait-tu un choix éditorial là-dedans? Oui, en quelque sorte. C'est sûr que notre projet se voulait avant tout un projet étudiant. Nous mm-hmm. sommes deux étudiantes à la maîtrise en histoire de l'art. Mm-hmm. Pour nous, ce projet devenait un peu comme une expérience professionnelle qu'on avait envie de vivre en collaboration avec des artistes qui, eux aussi, sont en début de carrière, qui, eux aussi, sont en train de vouloir... débuter tout simplement, puis voilà. Travailler en exposition collective surtout. Oui. Mais on a aussi des artistes qui ne sont plus étudiants, donc il y a quand même un mélange des deux dans l'exposition. Et donc, il y a des textes qui accompagnent chacune des œuvres présentées dans l'exposition. Là, ces textes-là sont écrits par des auteurs invités, des étudiants également en histoire de l'art, je crois. Oui. Donc, comment c'est fait cette collaboration-là avec d'autres auteurs et comment vous avez réussi à réfléchir ensemble? Est-ce qu'il y avait des lignes directrices qui étaient données aux auteurs ou est-ce qu'il y avait beaucoup de liberté dans la rédaction de leur texte d'exposition? En fait, quand on a choisi les auteurs, on voulait aussi avoir une variété dans les types de textes. Mm-hmm. On ne croit pas que moi et Michel, on doit être la parole unique de cette exposition-là. Alors, c'est pour ça qu'on a pris la peine de sélectionner des auteurs qui soient différents. Ensuite, c'est nous qui avons créé les groupes, le mélange entre les artistes et les auteurs, et on est allé beaucoup par les thématiques qui les intéressaient. Par exemple, on avait des auteurs qui étaient très intéressés par les questions féministes, et on a deux œuvres dans l'exposition, Brûler le patriarcat par Michel Gagnon et l'autre œuvre de La Pointe Jolie Cœur également, qui sont des thèmes assez féministes. Alors, on les a mis avec une auteure qui abordait beaucoup cette thématique-là. Au contraire, on avait aussi des auteurs qui étaient plus dans le ludique, qui étaient comme par exemple l'œuvre sur les Pokémon. Alors, on a vraiment fait Julien Saint-Georges Tremblay qui a écrit le texte. Oui, ouais. Oui, qui est chroniqueur ici. Oui, voilà. Qui est chroniqueur à l'émission ici. Alors, c'est vraiment comme ça qu'on a fait les matchs entre les deux. On voulait que ça aille avec leurs intérêts personnels pour qu'ils soient confortables de traiter du sujet. C'est sûr qu'à certains, on leur a demandé, est-ce qu'il y a des matériaux que vous préférez travailler? Est-ce qu'il y a des thématiques? Et c'est comme ça qu'on a créé les duos. C'est assez intéressant comme collaboration de laisser aussi ça donne une exposition, c'est plusieurs voix qui s'expriment, pas seulement que les voix des commissaires. Donc on a pour en revenir à cette figure du monstre là cette idée du monstre qui travaille dans l'exposition, il est parfois littéral, il est parfois très insaisissable. On a vraiment un registre, mais un spectre, je dirais, de d'interprétation. Mm-hmm. Les artistes proviennent donc de différents médiums. Donc comment vous avez réfléchi ce dialogue-là qui peut se créer au sein d'une exposition collective entre les différentes façons dont le monstre peut être interprété? Bien, je pense qu'on a un peu essayé de les regrouper par thématique sans nécessairement se l'imposer pour que ce soit rigide. Mm-hmm. Par exemple, on a un mur où on est beaucoup plus dans des choses qui vont être amusantes, qui vont être ludiques, qui sont plus légères, alors que la première partie de l'exposition, on avait des thèmes qui étaient un peu plus difficiles. Et au contraire, sur le mur principal, je dirais, on est vraiment allé chercher les monstres qui sont des monstres du discours. Mm-hmm. Donc, il y a une espèce de progression qui se fait d'une œuvre à l'autre sans nécessairement être tranché. On voulait que le spectateur puisse se promener dans la galerie et découvrir peu à peu les thématiques qui s'offrent à lui. Alors, le vernissage est jeudi. Dès 17h, donc au pavillon, à la salle d'exposition du pavillon Alphonse Desjardins de l'Université Laval. Vous allez lancer un catalogue également? Exact. Oui. En fait, le vernissage commence à 19h. Il n'y a pas de problème. Et en même temps, on va lancer le catalogue sur place. Donc, on va être en mesure de vous en parler plus en détail à ce moment-là. Alors, c'est un rendez-vous. Merci beaucoup, Michel Drapeau et Sévia Pellissier. On va prendre une petite pause audio avec le titre une interprétation de Fais-moi mal, Johnny par Magali Noël, donc un titre évidemment de Boris Vian. Il s'est levé à mon approche, debout il était plus petit. Je me suis dit, c'est dans la poche, ce mignon-là, c'est pour mon lit. Il m'arrivait jusqu'à l'épaule, mais il était râpé comme tout. Il m'a suivi jusqu'à ma piole et j'ai crié: vas-y mon loup, fais-moi mal, Johnny, Johnny, Johnny, envoie-moi au ciel. Zoom, fais-moi mal, Johnny, Johnny, Johnny, moi j'aime l'amour qui fait boum. Il va lui faire mal, il va lui faire mal, il va lui faire mal, il va lui faire mal. Il n'avait plus que ses chaussettes, des belles jaunes avec des raies bleues. Il m'a regardé d'un œil bête, il comprenait rien, le malheureux. Et il m'a dit l'air désolé, je ne ferai pas de mal à une mouche. Il m'énervait, je l'ai giflé et j'ai grincé d'un air farouche. Me fais-moi mal, Johnny, Johnny, Johnny, je suis pas une mouche. Fais-moi mal, Johnny, Johnny, Johnny, moi j'aime l'amour qui fait boum. Vas-y, fais-lui mal, vas-y, fais-lui mal, vas-y, fais-lui mal, vas-y, fais-lui mal. Voyant qu'il ne s'excitait guère, je l'ai insulté sauvagement. J'y ai donné tous les noms de la terre et encore d'autres bien moins courants. Ça l'a réveillé aussi sec et il m'a dit: arrête ton char, tu me prends vraiment pour un pauvre mec. Je vais t'en refiler de la série noire. Oh, tu me fais mal, Johnny, Johnny, Johnny, pas avec les pieds. Si, tu me fais mal, Johnny, Johnny, Johnny, j'aime pas l'amour qui fait bim. Il lui a fait mal, il lui a fait mal, il lui a fait mal, il lui a fait mal. Il a remis sa petite chemise, son petit complet, ses petits souliers. Il est descendu de l'escalier en laissant une épaule démise pour des voyous de cette espèce. C'est bien la peine de faire des frais. Maintenant j'ai des bleus plein les fesses et plus jamais je ne dirai: fais-moi mal, Johnny, Johnny, Johnny, envoie-moi au ciel. Non mais fais-moi mal, Johnny, Johnny, Johnny, moi j'aime l'amour qui fait boum. Oh Johnny. Oh la vache. Oh j'en ai marre alors. Et voilà, c'était un amour un peu plus exacerbé et féroce avec Boris Vian et Magali Noël. Donc, vous êtes toujours à l'écoute de CKRL et on est en compagnie d'Andréane Lesage. Bonsoir, Andréane. Bonsoir. Alors, tu mets la table un peu pour nous à cette semaine où on s'entame Manif d'art 8 sous le thème de l'art de la joie. On avait reçu la commissaire Alexia Fabre à l'automne dernier et dans le fond, on voulait parler de ce roman qui a inspiré la thématique de cette édition, donc de Goliarda Sapienza, une romancière italienne. Oui, tout à fait. En fait, c'est plus précisément une Sicilienne qui est née en 1924 à Catane et qui a eu un début de vie assez original. En fait, elle est originaire d'une famille socialiste anarchiste. Oh. Donc, son père était avocat syndicaliste, ce qui est quand même assez marginal pour ces années-là. Oui. Et sa mère aussi est une figure historique la gauche italienne. Elle a un temps dirigé le journal Le Cri du Peuple. Donc, c'est vraiment dans un contexte assez particulier que l'auteur a grandi, c'est-à-dire qu'elle allait à l'école quand elle voulait. Elle a été très tôt aussi amenée à lire de la philosophie, lire des essais politiques. Donc, à se sensibiliser vraiment à des sujets, disons, qui n'étaient pas abordés du tout dans le cursus scolaire italien de cette époque-là, évidemment. Oui. Elle a aussi, grandi dans un secte très mouvementée. On peut penser à la Deuxième Guerre mondiale. Là, elle avait 16 ans à l'époque. Et en fait, avant d'être auteure, elle a été comédienne. Donc, d'accord. Elle a même... elle a été connue au théâtre quand même. Puis, elle a fait quelques films. Mais c'est vraiment par choix qu'elle a laissé cette carrière-là pour se consacrer à l'écriture. Donc, elle a écrit plusieurs romans, mais L'art de la joie, c'était son roman chouchou, finalement. Mm-hmm. C'était le livre qui comptait le plus pour elle et pourtant, il a été publié après sa mort. C'est ça. C'est connu un succès beaucoup plus tardif. Oui, oui, c'est ça. En fait, grâce à son dernier compagnon de vie qui a vraiment tout mis en place là, pour le faire éditer, parce qu'elle avait reçu des refus là, de son vivant pour ça. Donc, la première parution, c'est 1998, mais le succès lui est venu vraiment en 2005 avec une première traduction française. C'est ça. Donc, c'est surtout un succès français qui a ramené ce roman-là à sa juste place, parce qu'il s'agit effectivement d'un livre très intéressant. C'est un roman, mais on voit qu'il y a beaucoup de liens entre le personnage principal qui s'appelle Modesta et l'auteur Goliarda, donc parce que, il s'agit d'une figure justement très libre, une femme libre dans ces années-là aussi. C'était, assez assez étonnant. Mais une femme qui n'a pas eu la vie facile, Modesta. Non, dans le roman, c'est une vie très difficile. Oui, on est très loin de la joie. C'est ça, j'allais dire. Là, le titre ne correspond pas du tout à la situation. Donc, il y a quelque chose de paradoxal, oui. En fait. Oui. Ben, en fait, c'est que la joie est pas considérée comme un plaisir ou un bonheur simple, c'est vraiment considéré comme un moment de lucidité face à la vie, comme des petits moments finalement de surprise, je dirais plus que d'extase. Ben en fait non, d'extase justement, comme des moments où on prend conscience de certaines choses, mais ça a vraiment finalement une valeur philosophique, la joie dans ce roman-là. Donc il y a comme quelque chose de la prise de conscience. Oui. Qui vient avec cette interprétation-là de la joie. Tout à fait. Avec la liberté de penser, d'agir aussi comme on veut. Donc, c'est en lien avec la politique de l'époque, les opinions féministes aussi de l'auteur. Mais c'est ça, c'est vraiment... En fait, le personnage de Modesta est en quête d'une grande liberté, mais pour elle, la liberté est synonyme de joie. Donc, un va pas sans l'autre. Puis, ben en fait, j'ai amené le livre parce que la quatrième de couverture cite un extrait qui, je pense, résume très bien justement cette vision-là de la joie. Donc, c'est Modesta qui dit « Comment pouvais-je le savoir si la vie ne me le disait pas? Comment pouvais-je savoir que le bonheur le plus grand était caché dans les années apparemment les plus sombres de mon existence? » Donc, c'est un peu pour nous faire réaliser que la joie, contrairement au bonheur, peut s'expérimenter dans des moments difficiles parce que justement, c'est un petit moment de lumière. Oui, c'est ça qui ouvre vers quelque chose de mieux par rapport à la situation à laquelle on est confronté. Exactement. Une élévation. Et puis, évidemment, je pense que c'est là qu'on trouve l'intérêt de traiter ce sujet-là en art. L'art, ça a cette fonction-là. Effectivement. D'ouvrir l'esprit aussi, d'amener vers cette liberté également aussi, puis de peut-être, qui sait, générer l'extase. Exactement. un petit moment, c'est ça, d'extase, de lucidité face à notre quotidien. Oui. Donc, c'est assez original comme thématique, probablement que vous en aviez parlé avec la commissaire. En art contemporain, on est plutôt habitué à des visions assez pessimistes de l'avenir, de l'humanité. Mais là, justement, ce qu'on nous propose, c'est de voir qu'il y a aussi... L'art peut aussi nous amener autre chose que des critiques, disons, sociales ou que des manifestes, pour reprendre d'ailleurs une idée que BGL avait mentionnée là, lors d'une entrevue dans Le Devoir. Donc, effectivement, l'art peut aussi être tout simplement ludique, peut divertir, peut faire rêver. Et en même temps, ben ça nous parle de notre société quand même. Là. C'est quand même d'actualité. Oui, on n'en reste pas au premier degré, mais il y a toujours un message, si on peut dire, un contenu sous-jacent à tout ça, effectivement, un peu comme justement BGL, effectivement. Voilà. Oui, puis c'est ça, c'est aussi l'occasion de développer un propos sur la nature de l'expérience esthétique, que de travailler sur l'art de la joie, puis c'est pas une joie qui est seulement que du pur bonheur, mais qui a également son pendant, qui a l'air d'avoir quelque chose de très intellectuel, de la façon dont tu nous l'expliques. Il y a quelque chose dans le senti, dans le vécu, mais également dans l'expérience intellectuelle, non seulement dans la perception du réel. C'est moitié-moitié, je vous dirais. Modesta est un personnage très sensuel aussi, mais effectivement très intellectuel. C'est les deux pôles de sa personnalité, finalement. Puis elle est en conflit perpétuel là-dedans. C'est un personnage qui est loin d'être rose. Disons que même ça va à l'encontre de la moralité. À plusieurs moments, ça dérange. Sauf qu'en même temps, on comprend qu'elle le fait par souci de liberté. Et c'est ce qui rend son projet beau, finalement, et je pense très humain. C'est qu'il y a deux côtés à ça. C'est positif, là, c'est dans un objectif positif, mais parfois, il faut faire des petits détours, et puis ça arrache un peu, mais quand même, c'est pour le bien commun aussi, pas juste son bien à elle. Il y a aussi une implication sociale là, de ce personnage-là. Exact. Et comme tu le soulignais très bien, effectivement, en art contemporain aussi, on est beaucoup dans les visions plutôt difficiles, dans ce qui est pas beau, hein, pour y aller vraiment très simplement. Et on pense aux dernières manifs d'art aussi, on parlait de résistance. Bon, il y avait eu Machine, mais il y avait aussi l'accident. Donc catastrophe, exactement. Ouais. Donc là, on est... c'est quand même, ça va faire du bien. Puis en même temps, je fais le parallèle avec le mot multi. Hein, on peut pas pas mettre ça de côté, mais les deux événements ont lieu en même temps. Mais là, on parle de réenchantement du monde. Donc, je pense qu'on a, on a besoin de ça actuellement. Et l'art nous montre aussi que la vie peut, comment dire, nous amener, peut être enrichissante, mais pas sur, sur un plan esthétique, sur un plan aussi ludique. Mais en même temps, bon, enfin, vous comprenez ce que je veux dire quand même. Fait que c'est intéressant aussi de voir cet autre aspect-là qui est développé. On va terminer là-dessus, hein, parce que je pense déjà là, c'est une bonne brique, il faut le dire, par exemple, quand on s'y attelle. Oui, près de 800 pages, c'est ça. C'est, c'est une lecture ponctuée de belles petites réflexions, mais je vous dirais qu'il y a certaines longueurs, de mon point de vue. Oui. Là, mais quand même, on en tire l'essence, l'essentiel là, au travers de tout ça. Ben, Andréane Lesage, je te remercie beaucoup d'avoir mis la table comme ça pour les sujets qui vont nous occuper dans les prochaines émissions. Et j'espère que ça va avoir peut-être donné envie à d'autres personnes de s'attaquer à cet ouvrage, on faut dire, un incontournable de la littérature aussi. Alors, merci beaucoup et on va aller justement écouter deux artistes qui expriment leur amour pour un de leurs rappeurs préférés, MC Phyliss et Maxime Robin, Tupac dans le boss. Yeah, what's up, les bitches, les punks et les pauvres, MC Phyliss et Max Robin, cinquième mixtape. Tupac est vivant, yes, parce que je l'ai vu dans le boss. J'écoutais des beats de Rick Ross, j'ai vu Tupac dans le boss. Portait une vieille cape des White Sox, j'ai vu Tupac dans le boss. Vend de la pof à Saint-Box, la cote, j'ai vu Tupac dans le boss. C'est lui le boss, les culottes au gosse avec ses potes dans le boss. Il est certainement pas mort, mais il a changé de look. Il porte du Crocs, des Ray-Ban pis des tatous de fleurs rouges. Parle de couches, de YouTube, de cocaine pis de grosses boules. Il défonce les clubs du Mylan à coups de vodka Red Bull. Il se magasine un beau petit loft, j'ai vu Tupac dans le boss. Il était loin d'avoir l'air soft, j'ai vu Tupac dans le boss. Regardait comme s'il avait envie de me faire les poches. Trop WhatsApp avec son six-pack de bottes, Tupac dans le boss. Yeah, je vous jure, j'ai vu Tupac parce que je l'ai vu dans le boss. Parce que je l'ai vu dans le boss. Je le reconnais même s'il est blanc, j'ai vu Tupac dans le boss. Avec sa blonde de 17 ans, j'ai vu Tupac dans le boss. Faites des patates au restaurant, l'extra Tupac dans le sort. Sport un Ben, c'est débile, j'ai vu Tupac faire des world up. C'est too much, je vois Tupac à tous les jours, ça 5-4. Il écoute toujours du Maybach dans son gros 4x4. En train de manger du piqué, j'ai vu Tupac dans le boss. Avec un beau gilet de piqué, j'ai vu Tupac dans le boss. Train de chanter du Paul Piché, j'ai vu Tupac dans le boss. C'est pas une projection 3D, j'ai vu Tupac dans le boss. Le même bling des narines, Tupac aime les piercings. J'ai vu Tupac pacter après deux verres de gin. Tous les jours de ma vie, je vois Tupac. Je le vois même dans mes céréales. Parce que je l'ai vu dans le boss. Je le vois à Hochelaire, à Rosemont, Saint-Michel, Villeray, Centre-Sud, Rive-Sud. Parce que je l'ai vu dans le boss. MDG, Verdun, parce que je l'ai vu dans le boss. Yes, parce que je l'ai vu dans le boss. Parce que je l'ai vu dans le boss. Alors, Jean-Thiane, on termine l'émission avec l'agenda de la semaine qui, comme on le soulignait en introduction, est quand même bien occupé cette semaine. Oui, on va y aller rondement, disons, pour vous souligner là, ce qui se passe cette semaine. D'abord, ben, on va revenir sur le fait que c'est le vernissage demain soir, le premier vernissage de Magnificat dont nous avons parlé en première partie d'émission à la Maison Amel Bruno à 17h30. Jeudi, dans le cadre du mois multi, il va y avoir une soirée d'impro multi au Pantoum à 20h et c'est également jeudi le vernissage de Manœuvre du souvenir d'Annie France Leclerc à Espace Parenthèse à 17h30 et le vernissage de Monstrum des Front Infronté, dès 19h. Et l'ouverture de l'exposition L'œuvre du temps avec Paul Béliveau, Jocelyn Gass, Aline Martineau et Bill Vincent à la Clarté Dieu. Et vendredi va débuter les vernissages de Manif d'art 8, donc de 17h à 21h. Ça va avoir lieu au Musée national des beaux-arts du Québec. Ouais, c'est l'exposition centrale. Ça. C'est ça, donc c'est le cœur, si on veut, de cette grande manifestation d'art. Et en fin de semaine, il va y avoir un dévernissage progressif, donc dès 10h, ça va débuter à Méduse. Ça va se poursuivre sur la rive sud à Regard, pour ensuite aller à la galerie La Certe, ensuite Michel Guimond, Le Lieu, la Nef coopérative de solidarité, ensuite à la Chambre Blanche, Galerie 3, Galerie des arts visuels, Centre Materia, et ça se termine à Méduse dès 20h, donc pour les vernissages du mois multi. Les installations. Hein? Oui, donc les différentes installations du mois multi qui vont débuter à 20h à la salle multi et à l'œil de poisson, Avatar et Vue. Et un autre départ dimanche matin de Méduse à 10h, donc qui va passer par la maison Amel Bruno, maison Henri Stewart, le Grand Théâtre, le Théâtre Périscope et ensuite les Simons sur la rue Saint-Jean. Et du côté du mois multi, il va y avoir une représentation de The Enlightenment Quiet Ensemble au studio d'essai à 16h. Et c'est la dernière semaine pour voir installation à grande échelle au Musée national des beaux-arts. Donc, pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, courez, courez vite au musée. Et donc, on termine l'émission sur ça, Audrey. Oui, bien sûr. On vous invite à suivre notre page Facebook ou notre Instagram, mais aussi à aller réécouter l'émission en balado-diffusion sur notre page web, l'aérospatiale, ckrl.wordpress.com. Un grand merci à nos invités, José Landry-Sirois, Paris Martin, Michel Drapeau, Sévia Pédicier, de même qu'à notre chroniqueuse Andréane Lesage. Merci à Jacques Gignac, notre virtuose de la mise en onde. Également, il faut rappeler que la semaine prochaine, Suzy Dufour va faire un retour quand même assez exhaustif sur l'exposition centrale de Manif d'art et Marie-Claire Tremblay sera en chronique. On vous invite à ne pas manquer l'accroche-oreille à 21h sur les ondes de CKRL. Hein, oui, notre âme sœur. Oui, c'est ça, en art audio animé par Gaétan Gosselin. Et on vous invite, bien sûr, à rester toujours à l'écoute pour écouter Pierre Blais et c'est son équipe qui vous attend pour discuter cinéma à Situation Critique. Bonne semaine, Gentiane. Bonne semaine, Audrey. À la semaine prochaine. Oui. Téléchargez cette émission sur ckrl.qc.ca ou sur iTunes. CKRL 89.1. Découvrez la première Biennale hivernale d'art contemporain avec 50 artistes de 9 pays dans 30 lieux de la ville de Québec, dont Pavillon Pierre Lassonde du MNBAC. Cet hiver, célébrez l'art de la joie. Les 16 et 17 février, la Maison de la littérature présente On trace. On est là à tracer la ligne, à tracer comme des fous sur la ligne de trace. À avancer là sur la ligne de trace. Deux soirées à la fois brutes et sensuelles par Fred Griot et ses musiciens. Une occasion privilégiée de découvrir un des meilleurs poètes performeurs de la francophonie. Cet hiver, vivez l'expérience du Mois Multi, le Festival international d'art multidisciplinaire et électronique de Québec. Tout le mois de février, découvrez des performances et des spectacles inédits. Embarquez dans un road trip cinématographique. Ressentez l'impact poétique de la violence. Laissez-vous guider par des voix automatisées. Le Mois Multi, c'est 25 jours de festivités et de rencontres avec des œuvres hors du commun. En primeur cette année, un passeport vous donne accès à l'ensemble des activités. Du 2 au 26 février à Méduse et chez plusieurs partenaires. MoisMulti.org. Raton Lover, c'est quoi ça? Ben, c'est un band de Québec. Ils jouent partout depuis leur premier album. Puis ben là, ils lancent leur deuxième au District Saint-Joseph en 5 à 7 le 14 février. Puis c'est gratuit en plus. Bof, moi le Québécois, tu sais que j'aime pas ben ça. Quoique, ça nous ferait une belle sortie de Saint-Valentin. Ouais,